Salut à toutes et à tous, ici Denis Jeep. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Cantina Chic Tabac. Alors vous vous dites peut-être, pour ceux qui connaissent le podcast, pourquoi un nouvel épisode? On avait dit avec l'épisode de janvier dernier, donc janvier 2020, lorsqu'on avait fait le long épisode en fait sur le bilan de la dernière décennie, que c'était la Cantina, on allait arrêter le podcast, qu'on allait fermer les portes. Alors pourquoi on les rouvre quelques mois plus tard? Eh bien en fait, à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle, donc c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en période de confinement, hein, de quarantaine due au célèbre, en tout cas maintenant célèbre Covid-19, hein, le coronavirus. Et donc on s'est dit, puisque on est confiné, autant nous réouvrir autre chose. Donc on a réouvert le podcast. Quand je dis on, je parle pas de juste de moi à la troisième personne comme les rois de France Louis XIV et j'en passe. Non, quand je dis on, c'est parce qu'en fait je suis accompagné par mon célèbre partner in crime, Macrimix. Salut Macrimix. Salut. Donc Macrimix, tu vois, pour une fois je ne suis pas foiré pour l'intro. Donc c'est la première fois. Ouais, c'est vrai, bravo. Ouais, il aura fallu attendre en fait qu'on fasse un épisode spécial d'un podcast qu'on a arrêté pour que je me foire pas, parce que d'habitude, je vois du montage, ouais. On s'en rend jamais compte, mais je me foire toujours sur mes intros. Donc celle-ci est un peu à rallonge, mais alors on va parler de quoi? Eh bien on va parler de jeux vidéo, comme d'habitude. Sans blague. Et ouais, et de jeux vidéo et de confinement. Et alors justement, alors c'est une idée qui nous est venue, ben pour le coup, il faut rendre à César ce qui appartient à César, ou à, je sais plus comment il s'appelle, Marc-Antoine ou Cléopâtre, ce que vous voulez. Bref, sur Twitter, c'est Moriolan, que vous pouvez suivre à @Moriolan, donc Moriolan, qui a fait un 30 day challenge printemps et confinement. Donc on s'est dit, ben c'est une bonne idée, donc on va adapter ça. Puisque bon, on va pas faire les 30 points, hein, mais on va faire une bonne quinzaine. On va adapter donc, et pour passer un moment sympa, donc avec nos jeux qu'on fait pendant le confinement, nos jeux avec les virus. Bref, vous allez découvrir ça au fur et à mesure. C'est vraiment un podcast à la cool, décontracté. Et puis bon, on espère que vous allez passer un bon moment. Et après, vous n'hésitez pas, ben, après sur les réseaux, ben, soit à faire le challenge proposé par Moriolan, soit si vous voulez reprendre nos questions, je les mettrai en description du podcast. Et comme ça, vous pourrez après le faire vous-même, ou commenter, ou nous suivre sur les réseaux, bref. Ou même pour vous-même ou avec vos potes, ce que vous voulez, vous êtes libre. Même si on est confiné, on fait aussi un peu ce qu'on veut, du moment qu'on ne met pas en danger les autres et puis un peu soi-même. Donc sans plus de transition, ben, on va attaquer direct. Macrimix avec le premier point, et justement vu qu'on parle du Covid-19 qui est un virus, eh ben, on va justement se poser la question de quel jeu, en fait avec un virus, on a envie de mettre en valeur. Alors le jeu, pas le virus. Ouais, donc bon, je vais en citer deux quand même. Donc The Division... un ou deux, peu importe, où tu as un virus qui avait été créé par l'homme pour le coup, qui avait été diffusé volontairement le jour du Black Friday, donc un truc assez similaire au virus qu'on a actuellement, sauf qu'il est beaucoup plus infectieux et beaucoup plus létal, puisque ça décime quand même 90% de la population. Finalement, un jeu que j'aime bien, si on arrive à le prendre pour ce qu'il est. Moi j'étais un peu passé à côté du trip du premier parce que c'était pas le jeu auquel je m'attendais, mais je prends beaucoup de plaisir en ce moment à jouer aux deux. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui est quand même très correctement bien réalisé et avec une atmosphère franchement assez prenante qui rappelle un petit peu ce qu'on peut voir des fois dans Je suis une légende, avec une ville revenue à l'état sauvage avec pas beaucoup d'habitants. Et d'ailleurs, le premier, c'est quoi les villes? Parce que je sais que ça a changé, non? C'est Washington peut-être le second, et le premier, je sais plus. Ouais, tout à fait. La première, c'était à New York, et c'était en plein hiver. Et le deuxième, c'est à Washington, à l'échelle 1-1. Enfin, en tout cas, pour la partie de Washington qui est représentée, parce qu'il n'y a pas toute la ville. Et là, l'extension que j'ai pas encore achetée, qui vient de sortir, où tu retournes à New York. Bon, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais voilà, à chaque fois, les villes, elles sont quand même très très bien... rendu et modélisé, c'est assez plaisant quand même. Il y a plein de petits détails partout. C'est chouette de se promener dans ces villes. Ouais, donc ça c'est des jeux, donc c'est développé, c'est par Ubisoft. Alors je sais pas quelle branche. C'est Ubisoft. Ouais. Je sais plus quelle branche d'Ubisoft. Bah, de toute façon, il y a plusieurs studios qui bossent dessus, je crois. Mais je m'en souviens plus. C'est un jeu donc qui est essentiellement co-op, donc co-op multi, mais en plus que tu peux jouer aussi un peu solo, non, quand même, au niveau de... Non, tu peux carrément jouer solo tout le jeu, si tu en as envie. Il n'y a aucun problème. Mais effectivement, tu peux librement inviter des collègues et fonder des équipes de 4 pour voilà, faire soit les missions principales, soit annexes, etc. Tu fais ce que tu veux. Et ensuite, donc ils ont étoffé un petit peu le jeu. Donc t'as un mode Dark Zone en fait, où c'est une zone de PVP, joueur contre joueur. Donc là, il vaut mieux pas y aller tout seul. Il vaut mieux y aller en groupe. Et ensuite, donc ils ont étoffé. Tu as aussi des raids un petit peu. C'est exactement calibré comme un MMORPG. De toute façon, c'est du RPG parce que toutes les armes que tu prends, c'est exactement comme si tu lootais sur voilà, sur n'importe quel RPG en ligne ou un hack and slash tel Diablo. C'est pas un TPS en fait, c'est ça la particularité du truc. Et c'est pour ça que moi j'étais passé à côté du premier. C'est pas parce que tu tires avec un sniper que tu vas mettre un headshot à 300 mètres que personne va te détecter avec silencieux. C'est non, tu touches le groupe va venir, il va te défoncer, quoi, exactement comme un MMO. Donc à partir du moment où tu sais à quoi tu joues, enfin moi je trouve que le jeu il est vraiment assez excellent. Ok, et t'as dit que t'avais deux jeux, donc c'était ceux-là, c'était Division 1 et 2. Et bien l'autre, c'est Plague Inc., donc voilà, le jeu de gestion où tu crées un virus, où tu dois décimer toute la population. On en a parlé, il a fait parler de lui en début d'année, puisque ses ventes ont explosé étrangement. Et voilà, c'est un petit jeu, mine de rien, assez sympa. Voilà. Ouais, mais tu sais qu'il y a des médecins, des gens qui sont dans la santé qui disent que c'est un jeu même vraiment intéressant parce que ça permet aussi de comprendre comment en fait fait, tu as un état de pandémie qui peut se développer puisque là, effectivement, c'est le but. Et là, je crois que c'est le jeu qui, comme par hasard, a été interdit en Chine récemment. Il y avait un article. Oui, en effet. Un article, je ne sais plus de qui, c'était peut-être le Times ou le. Enfin, un article comme ça, que vous pouvez trouver sur Internet, qui explique les tenants, les aboutissants de ce jeu-là et justement de la censure dont il a fait preuve. Mais ouais, effectivement, c'est un jeu qui peut être intéressant là-dessus. Et donc tu fais bien d'en parler pour le coup. C'est assez instructif, je trouve, effectivement, parce que si t'apprends déjà par rapport au point de départ du virus, où est-ce qu'il émerge, est-ce qu'il va être résistant au froid, à la chaleur, au milieu humide, au milieu aride, etc. Les milieux urbains, les milieux ruraux, est-ce que ça se propage dans les milieux urbains avec les rats par exemple, ou dans les milieux ruraux par d'autres animaux. Enfin bref, ouais, je trouve ça assez instructif. Ouais. Il est pas si évident que ça. Franchement, si on pousse les difficultés, c'est dur d'arriver à nos fins. Bon, ce qui est pas plus mal, parce que vu que le but c'est d'arriver à faire un virus qui décime tout le monde, si on échoue, c'est le rare jeu où en fait, si tu échoues, quelque part c'est mieux. Ouais, ouais. Mais ouais, écoute, alors moi pour le virus, tu vois, je suis parti sur un jeu. Où il y a un virus, mais c'est un peu détourné, c'est mon côté, je suis un peu détourné. Mais je suis parti en fait sur une des quêtes secondaires qu'il y avait dans Vampire Bloodlines. Il fallait bien que je parle de Vampire Bloodlines. Et je sais pas si t'en souviens. Oui. De Vampire Bloodlines, hein, qui est un jeu de Troika Games, Feu Troika Games, qui a disparu, donc qui est sorti en 2004. Et il y avait une quête justement quand on était dans le centre-ville de. Ça se passe à Los Angeles. Et une quête où justement il y avait une sorte de virus qui touchait à la fois les vampires mais les humains aussi, ça rendait des gens malades et donc en fait différents clans de vampires, hein, que ce soit les... C'était pas avec les SDF aussi? Exactement, les sans-abri et tout ça, donc en oui, fait voilà. On sait pas trop d'où est né ça, mais en fait voilà, il y a une espèce de virus qui touche à la fois les humains sans-abri et donc les vampires qui se nourrissent aussi, soit des sans-abri mais même pas que les sans-abri d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs foyers, parce qu'il y a, voilà, il y a des foyers de virus aussi. Et on nous demande d'enquêter là-dessus, donc à la fois il y a une femme qui est une sorte de prostituée, mais une call girl de luxe qui lance ça, mais il y a aussi après un vampire qui vit dans les égouts, et il y a toute une secte en fait qui se développait un peu pour espérer un peu la fin du monde, et en fait voilà, donc à la fois tuer les humains mais aussi les vampires, et donc voilà, donc c'était assez intéressant de voir comment ils adaptaient ce côté virus et qu'ils le détournaient pour le mettre avec ce côté aussi du sang. Parce que voilà, ça passe par le sang et tout, donc ils avaient bien joué là-dessus. Et c'est une idée qui sera reprise d'ailleurs, tu vois. Alors, c'est pas pour citer un second jeu, mais avec le mélange vampire et virus. T'as aussi donc dans Vampire, le récent jeu de Dontnod, où on joue un chirurgien, et donc ça se passe, je crois, pendant la grippe espagnole au début du XXe siècle. Et on joue aussi un vampire, et donc il mélange à la fois le côté. on va dire, le virus qui attaque les humains et en même temps la menace vampire qui vit aussi dans l'ombre. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé cette approche du virus par ce côté-là, je trouvais que c'était assez intéressant. Et donc voilà, donc c'était ben là encore, c'était pour pas citer des jeux classiques, en fait, on va dire, auxquels on pourrait tous penser avec des virus. Et je trouvais que voilà, l'écriture est intéressante, et puis c'était l'occasion de parler de Vampire Bloodlines, puisque voilà... Je pensais que t'aurais dit Last of Us. Mais oui, tu vois, voilà, mais je... Ben en fait, mais c'était trop facile, moi aussi j'y ai pensé, mais c'était trop facile. Mais enfin, là, en plus, on le cite là, puis qui est un jeu super intéressant, parce que c'est pareil, le virus avec The Last of Us, c'était assez intéressant, dans la mesure où je crois que c'est lancé par rapport à des OGM qui ont attaqué certains types de nourriture, et après ça a déclenché avec le champignon, et qui se propage dans l'air. Donc, ouais, et donc c'est vrai que c'était super intéressant aussi. Mais voilà, de toute façon, tu vois, on l'a cité quelque part, donc... Mais c'est vrai que j'avais envie de parler un peu de ces jeux-là, parce que le but aussi, c'est de parler de jeux qu'on aime, mais aussi pas, des jeux auxquels on ne penserait pas forcément de prime abord. Donc voilà, et donc d'ailleurs, justement, vu qu'on parle de virus et donc de santé, un petit point aussi que j'avais envie d'aborder, c'était, on doit faire le suivi santé quand même pour voir si on est en bonne forme ou pas, quel médecin du jeu vidéo t'aimerais pour s'occuper en fait de ton dossier médical? Docteur Mario. Docteur Mario, tu peux élaborer? Non, j'ai conne. Faut pas. Non, on va pas élaborer, non. Non, mais des médecins, en fait, j'ai cherché et finalement, j'en trouve pas tant que ça. Moi, j'aurais envie de dire Pépin, le soigneur de Diablo 1. Oh putain, joli! Oh, mais attends, oui, mais j'y ai pas du tout pensé, mais c'est top ça. Pépin the Healer, oh là là. Pépin the Healer. Sinon, pour un truc un petit peu plus réaliste, on va dire. Pourquoi pas Dr. Chakwas de la trilogie Mass Effect. Et bah tu sais, j'ai pensé à elle aussi, je l'ai pas pris, je pensais que t'allais la nommer directement, j'avais pas pensé à... Donc Pépin the Healer, comme on l'a dit, c'est Diablo, hein. Ouais. Diablo 1. Bah, de toute façon, t'es un soigneur dans tous les jeux, effectivement, mais bon, voilà, bah, lui, c'est l'un des premiers, voilà, quoi, c'est un petit hommage à Diablo aussi. Exactement, et d'ailleurs Pépin the Healer qui a une triste destinée, parce que quand on le retrouve dans le 2, bah voilà. Hein. Ouais. Ils sont tous morts, et ben lui aussi. Et voilà. Sauf notre ami, je sais plus comment il s'appelle, qui est hyper connu là. Duncan. Ouais, exactement. Donc ouais, le docteur Chakwas, c'est pareil pour le coup, c'est donc, comme tu l'as dit, hein, c'est le médecin qui est dans le Normandie, dans les différentes itérations du Normandie d'ailleurs, dans Mass Effect. Et j'ai pensé en fait à elle, je me suis dit ouais, elle serait bien aussi. Et finalement, il y en a une qui m'est revenue, je me suis dit si, j'adore ce personnage là. Et en plus, je trouve que c'est quelqu'un qui est super humain, qui est vachement empathique. C'est Shani de The Witcher. Ouais, c'est sûr. Donc Shani qu'on trouve dans The Witcher 1, qui avait un rôle important dans The Witcher 1, donc c'est des Red Project, hein, sorti en 2007, si je dis pas de bêtises. Et qu'on retrouve après dans l'extension Heart of Stone, donc spoiler pour ceux qui l'ont pas encore fait, The Witcher 3. Donc on va sortir en 2015 et donc voilà, donc c'est un personnage donc des bouquins aussi, qui est un personnage secondaire des bouquins mais qui a des jolis arcs quand même dans les bouquins, et c'est quelqu'un qui est vraiment humain, qui est vraiment, j'aime beaucoup l'écriture de ce personnage là. Elle est infirmière, je crois. Ouais, elle est médecin. Elle avait été infirmière de terrain, il me semble, parce qu'elle avait fait la guerre, si je dis pas de bêtises. Oui. Quoique non. Dans les bouquins à la guerre, et après quand on la retrouve après, puisqu'elle était elle a fait donc justement tout ce qui est les écoles à Oxenfurt et tout, hein. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est voilà, qui est vraiment humain et qui est un personnage super. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup dans The Witcher 3 parce qu'elle est que dans Heart of Stone, mais je trouve qu'elle est vraiment elle manquait d'ailleurs vraiment à la saga. J'aime beaucoup ce personnage là, donc je me suis dit Shani, c'est quelqu'un que j'aimerais bien me suivre, parce que je trouve qu'elle est vraiment à l'écoute et elle est vraiment empathique. Et moi, ce que j'aime chez les médecins, les thérapeutes, c'est vraiment ce côté empathique où t'es pas juste un patient, t'es un humain. Pour avoir croisé des thérapeutes où en fait, heureusement pas très longtemps, où t'as l'impression de parler à quelqu'un qui te considère que comme une chose et un sujet à traiter, c'est pas agréable. Et Shani, c'est l'inverse de ça. Donc je me suis dit, voilà, Shani, j'aimerais bien qu'il s'occupe de mon dossier médical. Mais le docteur Chakwas, en plus, elle a un super matos, le docteur Chakwas, donc ça serait pas mal aussi. Bah ouais, je pense que là, tu peux être malade de ce que tu veux, il y a moyen de te guérir à bord du Normandie. Presque. À part si tu te fais moissonner. Ouais, voilà, ça, non, ils ont pas le remède, il n'y a pas de vaccin. Ça, c'est pas bon. Donc ça, c'était un peu suivi médical, mais vu qu'on parle de confinement. Ben déjà, où c'est qu'on est confiné? Alors déjà, avant de choisir dans quel endroit du JV on aimerait être confiné, juste là, toi, alors sans te donner exactement l'adresse, mais t'es où en confinement exactement? Ben moi, je suis un petit peu au nord de Lyon, à la maison, en famille, tranquille, avec de temps en temps des périodes de travail, parce que je travaille à Paris. Donc je me suis pas retrouvé bloqué au fin fond du Cantal, chez des cousins, que je connais pas. Non, je suis chez moi, tranquille. Après, ceci dit, au fin fond du Cantal aussi, peut-être que c'est plus pratique pour bouger et tout ça qu'en pleine ville. Oui. Ah oui, c'est sûr. T'es peut-être moins emmerdé par les voisins aussi. T'es peut-être moins emmerdé. Non, mais voilà, non, pas de secret, rien de particulier. Je suis pas dans une base secrète. Non. T'es pas dans un bunker. Non, je suis pas dans un bunker inconnu. Bon. Ben chez moi. On va voir si t'es alors. Bon, moi, rapidement, je suis du côté de Bayonne, donc c'est pareil, je suis dans un appartement. J'ai pas à me plaindre non plus, ça va à peu près. Mais justement, donc ça c'est là où on est. Mais où c'est qu'on aimerait être si on pouvait choisir un endroit de jeu vidéo où on aimerait être confiné? Donc est-ce que tu prendrais un bunker toi justement? Non, pourquoi? Enfin, y a pas de soleil, tu peux pas sortir prendre l'air. Non, je pas forcément. Ceci dit, il y a un choix. Enfin, dans ce que je choisis, il y a un truc qui va pas tout à fait en accord avec ce que je viens de dire. Non, moi quitte à être confiné, je prendrais plus un truc un peu perdu. Alors, j'ai plusieurs endroits. Ah non, il faut choisir qu'un, Coco. Attends, non, mais tu vas pas me faire le coup des plusieurs à chaque fois. Ah ben non. Si, moi j'en ai plusieurs. Bah, t'as pas de résidence secondaire, tu vas pas faire comme les mecs qui partent, qui prennent le train. Non, mais on va dans la résidence secondaire et ça, faut que je m'en occupe. T'es là, non, t'es confiné. Tu en choisis un, tu n'en bouges pas. Je vais choisir alors le manoir dans Along the Edge. Ah! Est-ce que tu peux développer et expliquer un petit peu ce manoir? Mais ça, c'est un très bon choix. Bah déjà, parce que c'est une grande bâtisse. T'es pas dans un petit appart où t'entends le bruit des voisins. Je veux dire, t'es pas embêté par le voisinage. Voilà, c'est un cadre super naturel, etc. Donc, c'est un peu... Bah, c'est la vie de château, quoi. Tu sors. Enfin, tant tu passes pas le portail, t'es tranquille, quoi. C'est... Voilà, puis non, le cadre super, super agréable. Moi je pense que c'est vraiment un endroit où ça me déplairait pas d'être bloqué. Ah ouais, puis t'as un grand parc, t'as des sources, donc Along the Edge, hein, qui est un jeu de Novabox sorti en 2016, si je dis pas de bêtises, et qui est une sorte de visual novel. On en a parlé souvent dans le podcast, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Et effectivement, quand on voit ne serait-ce que les... Donc comme c'est un visual novel, ce sont des illustrations, hein, des très impressionnistes pour les décors et tout ça de Nicolas Fouquet. Et c'est vrai que quand on voit les images là, ça donne envie... C'est vrai qu'on aimerait bien passer quelques mois, ça poserait pas un problème. Ouais. Voilà. C'est un bon choix, tu vois. Et moi, c'est pareil, tu vois, j'ai pas choisi non plus un lieu. J'ai voulu prendre aussi un lieu un peu reculé, ou en tout cas où je serais tranquille. Et j'ai choisi en fait la baraque, et c'est même plus qu'une baraque parce qu'ils sont bien placés, de la famille Drake à la fin dans l'épilogue d'Uncharted 4. Donc c'est une espèce de grand bungalow en fait au bord de mer, tranquille, tout seul, donc dans un endroit ensoleillé. Donc on a la plage, on peut se balader, il y a pas de monde autour. Il y a même notre petit bungalow avec les bureaux et tout ça. Donc en plus c'est quelque chose, on a accès quand même à la télé. Il y a un petit ponton avec un bateau, donc on peut faire une balade en mer. Il y a aussi internet et tout. Donc tu vois, comme ça j'ai quand même mon confort parce que j'ai quand même envie d'avoir internet et tout, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc j'ai un peu pensé à ça et donc je me suis dit voilà, c'est vraiment un lieu qui est reposant où. Voilà, t'es confiné, mais en même temps, t'as de l'espace, tu peux respirer et t'es pas emmerdé. Tu peux vraiment aller faire ta petite balade devant sur la plage et tout ça. Et en même temps, t'as une belle baraque sympathique, de la musique, des trucs. Enfin, le décor est super sympa aussi, puisqu'il y a tous les petits trucs qu'il a ramenés de ses aventures à droite ou à gauche. Donc voilà, donc si je devais choisir un lieu de confiné, ça serait justement cette super petite baraque-là de Uncharted 4. Mais t'es venu à l'esprit aussi, j'avais pensé. Ah, tu vois, on a failli se retrouver confinés ensemble, ouais. Dans ce truc-là. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de se confiner ensemble, tu es confiné, tu es avec une personne, mais juste une personne du jeu vidéo. Qui c'est que tu choisis pour te confiner? Donc ça veut dire que ça sera la seule personne avec qui tu seras physiquement présent. Et donc présent dans le fameux... Donc toi, tu es dans le manoir de Along the Edge. Donc avec quel personnage du jeu vidéo tu aimerais être confiné dans le manoir de Along the Edge? Compliqué, ça. Moi j'ai envie de tricher, je serais tenté de dire Elisabeth de Bioshock, parce qu'avec elle, t'es pas confiné en fait. Vu qu'elle ouvre des failles partout, tu peux aller où tu veux. Mais bon, ce serait un petit peu triché. Ah merde, tu peux, parce qu'en fait, moi je suis confiné avec elle. Donc en fait, on est vraiment confinés ensemble, tu vois, quelque ouais, part. Bah oui. Non mais je cherchais un moyen d'outrepasser les règles, et il y a quelqu'un qui me venait à l'esprit, je cherchais un autre personnage qui aurait pu se téléporter. Ah, il y en a une autre. Ben là comme ça m'est pas venu à l'esprit. Sinon un truc complètement con, je veux dire Monica de Doki Doki Literature Club. Parce que voilà, pour ceux qui ont fait le jeu. Et t'aurais pas peur quand même que ça finisse mal cette histoire? Oh si, mais voilà, je suis un peu maso sur les bords quoi. Donc Monica, ouais, donc il y a un personnage de... On avait parlé aussi de Doki Doki Literature Club. Et en, ouais, on va pas trop spoiler, de toute façon dans le podcast où tu en parles, c'était le podcast justement sur nos jeux bah, de la décennie. On l'avait expliqué, effectivement c'est un personnage qui est très intéressant, mais qui... Il peut se passer des bricoles, et pas celles auxquelles on pourrait penser directement. Ouais, ouais, tu peux te faire bouffer, je pense, par ce personnage. Et te retrouver coincé dans une faille spatio-temporelle, mais peu importe. Ben voilà, ben en parlant de faille spatio-temporelle, moi le personnage avec qui j'aimerais être confiné, c'est Elisabeth. Alors pour deux versions, il y a déjà ce côté un peu triche, comme tu dis, mais c'est pas de la triche, c'est la classe, c'est comme ça. C'est qu'effectivement, elle peut ouvrir des failles, donc quelque part tu peux aller dans des endroits où il n'y a pas de virus. Et c'est très pratique pour aller faire les courses, elle peut ouvrir une faille dans un magasin, il y a personne, tu récupères les trucs, comme ça tu vois, j'ai pas besoin... Ah ben oui, parce que je pensais à ça moi. Tu téléportes dans le magasin en pleine nuit. Exactement. Comme ça, tu personne. Tu récupères les trucs ou tu vas, tu téléportes dans le passé ou dans un autre univers, donc tu peux voyager aussi, donc quelque part c'est super bien. Mais il y a un autre point aussi qui est hyper important avec Elisabeth et que j'ai pris en compte, c'est que c'est quelqu'un qui a passé quasiment la plupart de sa vie enfermée dans une tour, donc elle est habituée au confinement, donc elle s'emmerderait pas, elle sait déjà comment vivre le confinement, donc c'est quelqu'un qui pourrait être d'une très bonne aide aussi pour être confiné ensemble puisqu'elle a vécu ça et donc elle va pas péter un câble si en fait on est confiné pendant trop longtemps. Donc c'est pour ça, c'était, et puis c'était mon choix, de toute façon Elisabeth c'était mon premier choix de toute manière. Mais sinon dans le genre spatio-temporel, t'aurais pu mettre Ciri de The Witcher. Ah bah oui, tout à fait, ouais. Qui est un peu la cousine éloignée d'Elisabeth quelque part, donc Mais bon, donc moi je suis confiné avec Elisabeth, toi et Monica. Bon bah écoute, on verra comment ça va se passer. Autre chose aussi, donc quand on est dans un appart, il y a quand même plus confiné, donc nous on n'est pas dans un appart, mais il y a plusieurs choses à faire, notamment le ménage, et donc en parlant de ménage et même le ménage de printemps, puisque nous sommes au printemps, alors c'est vrai que confiné on voit pas trop la différence, puisque souvent on peut pas trop sortir, mais on est quand même au printemps depuis quand même un bon mois, et justement le fameux ménage de printemps, c'est l'occasion de se séparer de choses qu'on a achetées mais qu'on n'a pas utilisées, ou qu'on a à peine utilisées, dont on se sert plus, et en parlant de jeux vidéo... Si t'avais deux jeux que tu voulais te séparer en premier pour un ménage de printemps, un que tu as fait et que tu referas plus, que tu voudrais virer, et un que t'as acheté mais que t'as jamais joué, on connaît tous ce côté un peu librairie Steam ou GOG où on achète en fait un jeu qui est là pendant 10 ans, on l'a jamais lancé et en fait il est là et on s'en fout. Donc si t'avais deux jeux dont t'aimerais te séparer, lesquels ça serait en premier en tout cas que tu virerais? Alors Mass Effect Andromeda, moi je l'ai déjà suffisamment taillé, donc voilà, c'est pas un jeu que je referai, ça c'est sûr et certain. Et parmi le jeu que j'ai et que j'ai jamais fait et que je ferai jamais, eh bien je mettrai Stalker Clear Sky, parce que je ne pense pas déjà être arrivé au bout du premier Stalker et je me vois mal lancer ce jeu aujourd'hui, je pense qu'il a dû bien vieillir, donc voilà, je pourrais m'en débarrasser sans problème. Ok, donc ouais, donc la saga Stalker et donc Mass Effect, c'est vrai qu'on en a suffisamment parlé et tout, donc un jeu que t'as fait et un jeu que t'as jamais joué. Mais en parlant de Stalker, tu sais que les modes du premier, parce qu'on parle un peu de côté, alors c'est pas fin du monde post-apo, mais il y a un côté un peu comme ça dans Stalker, et c'est un jeu que moi j'adore. Par Clear Sky, j'avais moins aimé, mais en tout cas le premier. Et les modes, d'ailleurs, ils continuent à faire des modes et des mises à jour, hein, du mode où ils débloquent un peu tout pour le premier Stalker, et c'est quand même génial, ça s'appelle Oblivion Lost, je crois. En tout cas, c'est un truc un peu comme ça, et c'est vraiment super. Mais ouais, je comprends que, effectivement, si t'as pas fini le premier, et puis Clear Sky, il avait des bonnes idées, mais qui étaient hyper mal calibrées, donc je sais pas s'ils ont fait des mods aussi pour ce jeu-là depuis, probablement. Mais ouais, et c'est vrai que Andromeda, comme tu dis, bon, bah, je sais que t'en as suffisamment parlé, moi j'ai quand même aimé certains côtés, mais je vois que c'est vrai que c'est pas un jeu que je referais non plus. Moi, ce que je virerais, bah, c'est pareil, un jeu que j'ai fait un petit peu, mais que j'ai essayé en route, et que je dégagerai parce que j'en ai un peu rien à faire. C'est un jeu de Rockstar North sorti en 2008 qui s'appelle GTA 4. Donc voilà, c'est un jeu que voilà, j'ai joué un petit peu, mais voilà. Je crois que c'est pareil, on l'avait pas taillé, mais on en avait déjà parlé dans des précédents podcasts. Ouais. Et c'est vraiment un jeu que... voilà, enfin j'en vois pas. Maintenant, sans j'avoue que les GTA, je les achète plus. Je crois qu'il y a que le 3 que j'ai fini. J'ai dit non, j'ai jamais fini les autres. Donc voilà, pas l'intérêt, il peut dégager de ma bibliothèque Steam. Le 3, le premier 3? Pas Miami Vice ni le premier 3, ouais. Andreas. Non, le GTA 3, ouais. C'est le seul que j'ai bouclé, ouais. Et donc voilà, donc celui-là, je virerai sans aucun remords. Et un jeu sinon, et tu vois, il a fallu que je réfléchisse à ma bibliothèque Origin, le truc sur lequel je ne vais quasiment jamais. Et j'avais acheté, c'est toi qui m'avais fait acheter pour qu'on joue ensemble, et on n'y a jamais joué. C'est Titanfall de Respawn Entertainment, sorti donc il y a déjà 6 ans. Ah, c'est vrai, ouais. Et tu m'avais dit, ouais, on va faire des parties là-dessus, c'était donc du FPS exclusivement multi, le premier. Hein. Oui. Et en fait, je l'ai installé, et puis après, je crois que je l'ai jamais joué. Et sur c'est Origin, il y a plein de jeux que j'ai dû jouer genre une heure et que j'ai quasiment jamais. Enfin bon, voilà. Et donc, Titanfall, à chaque fois, je me dis, mais c'est vrai que tu l'as celui-là en fait. Et ouais. Ouais, ça va, il t'a pas coûté cher. Non, il m'a pas coûté cher, mais c'est vrai que celui-là, je l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais. Bah, de toute façon, aucun intérêt. Si tu veux faire un Titanfall, tu prends le 2 parce qu'il y a une campagne solo qui est pas dégueu. Mais bon, le premier, vu que c'est que du multi, effectivement. Ouais. Aucun intérêt de garder ça. Donc c'est, voilà, celui-là, je le vire sans souci. Et justement, vu qu'on parle de ménage, on va faire un peu quand même de la musique qui adoucit les mœurs, donc ça évitera de tailler les jeux qu'on vire. La musique, en tout cas, un album que tu mettrais pour faire le ménage. D'ailleurs, est-ce que tu fais le ménage de manière plus active ou plutôt tranquille? Donc quelle musique tu fais pour ça? Ça dépend. Moi, si je devrais mettre une BO, donc c'est un truc un petit peu rythmé. Et en fait, c'est un mix, parce que c'est pas une BO composée par un seul mec. C'est la BO de Hotline Miami 2, qui est franchement géniale pour peu qu'on aime tout ce qui est électro, synthwave, etc. Il y a énormément d'artistes. Et globalement, enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai découvert plein d'artistes comme ça. Et voilà, ça donne la pêche, c'est rythmé. Et ça reste quand même assez varié, donc moi j'aime beaucoup. Donc un ménage énergique chez toi quand même. Ouais quand même, moi j'aime pas prendre le temps pour faire le ménage, faut que ce soit fait et faut que ce soit fait vite si possible. Vite et bien, je comprends. Bah moi c'est pareil, j'ai pris un truc assez rythmé mais un peu à la fois rythmé mais assez décontracté aussi, parce que c'est pareil, je suis pas non plus un violent. Et pour faire le ménage, alors j'en avais pensé à plusieurs, mais j'en étais sorti une que j'aime beaucoup. Et d'un jeu que j'étais ressorti, dont j'aimerais un remake d'ailleurs pour le coup, c'est la BO de No One Lives Forever. Attention, j'ai été la chercher assez loin celle-là. Ah, en effet. Je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu-là. Donc c'est un jeu, c'est un FPS où on joue Kate Archer, qui est un super personnage d'ailleurs. Et donc c'était un jeu, c'était développé par Monolith. Donc c'est un jeu, ben, je crois qu'il a 20 ans, hein, sorti en 2000 ou ouais, par là. Environ, ouais. Et la BO c'est de Guy Whitmore, et donc en fait il y a un côté très 60s plutôt. Et donc en fait il y a un côté à la fois donc un peu lounge, jazz, et qui est super sympa. Donc n'hésitez pas à aller aussi l'écouter, ben, tu vois, j'allais dire n'hésitez pas à les écouter, celle de Hotline Miami dans son genre comme tu dis synthwave et tout, c'est super cool. Ben, vous pouvez la trouver sur Spotify, je suppose, sur YouTube en tout cas. Pareil pour No One Lives Forever, c'est vraiment super cool. Il y a un côté vraiment, ouais, ça, par moments ça fait penser à des BO qu'on peut retrouver sur les films de Blake Edwards ou des trucs un peu de soit de Mancini, soit de Burt Bacharach, et ça, donc un peu comme le Casino Royale, mais le Casino Royale de pas avec Daniel Craig, hein, le film Peter Sellers, donc c'est ça, ça fait un peu le film avec Peter Sellers et tout. Et donc c'est super sympa comme BO, et voilà, donc ça met la pêche, et en même temps il y a un côté un peu old school, lounge jazzy qui est assez sympa, donc c'est celle que je mettrais pour faire le ménage. Elle est pas très longue, mais comme je suis dans un appart qui est pas très grand, bah ça serait très bon. Et sinon, si je suis dans mon. si je suis toujours chez, comment ça s'appelle, chez. Dans la maison Drake. Et ben il y a la fameuse playlist, tu sais, qu'on peut écouter dans le jeu vidéo Uncharted, la fameuse playlist de Elena, qui a un côté un petit peu à base de guitare et de sitar, je crois, donc ça sera très bien aussi, quoi. Et en restant sur les OST, donc il y a le ménage, et puis il y a aussi, pour la santé, il faut faire du sport. Est-ce que t'as une... Déjà, qu'est-ce que tu ferais comme type de sport, toi, dans ton manoir? Et qu'est-ce que tu mettrais comme son pour t'accompagner? Alors, si j'avais vraiment un manoir, j'aurais un petit peu plus d'équipement pour faire autre chose. Parce que là je fais que bah, un petit peu d'enforcement musculaire, de toute façon j'ai pas la place pour faire autre chose. Du coup un truc un petit peu tonique ou épique, donc moi je pensais éventuellement soit aux bandes son de la série des God of War, enfin au moins les trois premiers, parce que j'ai pas fait les autres. Ou sinon je sais qu'à une époque, bah, pareil, dans le genre épique, c'était la musique de Warhammer, Dawn of War 2, de mémoire, j'ai pas vérifié le titre, c'est un jeu de... stratégie tactique qui a quelques années maintenant, il doit avoir plus de 10 ans. La BO franchement sympa. Faut aimer le style, mais c'est sympa. Donc c'est mode épique quand même, c'est du truc qui tabasse. Hein. Ouais, c'est de l'épique. Ouais. Avec des cœurs et tout ça, machin. Voilà, si t'as envie de te transformer en Kratos ou en. Ah ouais, tu y vas, c'est allez, on y va quoi. Ah oui, c'est allez, on y va, non. Non, faut y aller quoi. Faut suer, t'es pas là pour déconner, ça. Ah ouais. Non, pas là pour enfiler des perles. Bon, et eh ben écoute, moi je suis plutôt un mec qui fait des perles alors, parce que, effectivement, moi quand je pensais pour faire du sport, et eh ben alors c'est pareil, je suis sur ma petite rue, mon petit bungalow machin. Ben mon sport c'est plutôt faire des marches, tu vois, faire de la marche sur la plage tranquille et tout ça. Enfin voilà, juste de la marche. Toi, je suis pas un violent non plus au niveau du sport. Donc je me suis pris en fait une BO qui. pour marcher, pour faire une balade, qui serait très bien pour m'accompagner, c'est la musique de Sears Isle, donc un autre jeu Novabox, qui est composé par Illustrasan. Alors en plus, elle est super belle, elle est assez longue, assez diversifiée, mais c'est assez calme en fait, ça appelle au voyage plutôt. Donc voilà, donc pour faire du sport de manière assez calme, en profondeur, mais aussi en douceur, tu vois. Et donc en fait, donc Illustrasan en plus, c'est un groupe qui est bordelais. C'est un collectif, je crois qu'ils sont deux ou trois, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc Cyrals, qui était donc le jeu Nova Box, qui est aussi un visual novel très intéressant, et donc une très belle BO, je vous la conseille. Et donc voilà, pour faire du sport, mais je veux dire en douceur, tu vois, je vais pas mettre des chœurs épiques et tout ça, même s'il pourrait avoir des trucs super cool, mais non, je suis plutôt dans le côté. Ça dépend de ce qu'on fait. Ensuite, moi, si je devais faire de la course à pied, mais bon, je n'en fais pas à cause du confinement, je mettrais probablement autre chose. Mais bon voilà, tout dépend de ce qu'on fait. Ouais, bah tu vois, moi pour la balade en tout cas, je fais un petit Sears Isle. Et justement, si on fait des choses plus de musique de relaxation, alors ça peut être du yoga ou même des exercices de relaxation. Donc là, est-ce que tu vas nous mettre encore des chœurs épiques ou est-ce que tu nous as choisi une OST beaucoup plus en douceur, en profondeur, qui appelle en fait un peu au rêve et au relâchement? Ouais, tout à fait. Ouais. Mais j'attends le titre. Eh ben, je vais te mettre celle de Riven, qui est la de Ista. Ah oui, jolie. Alors c'est pareil, c'est assez vieux ça, parce que Riven, c'était... C'est très vieux, ça date de 96 ou 97, puisque le premier Myst, il datait de 93 ou 94, par là. Et donc c'était des jeux qui avaient été faits par les frères Miller, et donc c'est Robin Miller qui s'était chargé de faire la BO des deux premiers jeux. Ah bah oui, mais tu fais bien de préciser, parce que moi c'est vrai que Myst, j'allais dire Jack Wall, mais Jack Wall il arrive qu'avec le Myst 3, Exil. Et non, et Jack Wall il arrive après, il a fait Uru, il avait fait le 3, c'est sûr. À partir du 4, je sais pas, j'ai un doute. Et le 5 aussi, je sais pas. Qu'il en a fait, mais il a fait le 3 à Uru. Ouais, oui, c'est ça. Et après, parce que je sais qu'après, il y avait aussi... c'était pas Peter Gabriel qui avait participé à quelques musiques aussi? Ouais, pour les musiques chantées, ouais. Mais voilà, bon, faudrait vérifier, franchement, je ne sais plus. Donc Robin Miller, tu dis, pour le... Ouais, Robin Miller. Et en plus, ben, c'est une des rares BO que j'ai en CD, et je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc c'est très voilà, c'est très très synthé, très aérien, très calme, voilà, ça colle tout à fait avec l'univers de toute façon. Voilà, faut aimer le style et ça n'a rien à voir avec ce qu'avait fait Jack Wall après, qui est un petit peu plus rythmé, un petit peu plus percutant, mais voilà, moi j'aime bien ce qu'a fait Robin Miller. Ah ouais, mais c'est un super choix, et ça me donne envie de les réécouter d'ailleurs, parce que je sais que je les ai, celles des Myst. Et mais moi, pareil, j'ai choisi une musique assez calme, forcément. Et en fait, je suis parti sur la musique d'un tout petit jeu qui s'appelle Lily Glindo. Donc, c'est composé par Phoenix Glendinning. Je l'ai mal dit, c'est Glendinning. Et donc c'est un jeu en fait du studio Eastshade, tout simplement, parce qu'après, Lily Glindo, c'était le prologue d'un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle Eastshade. Et donc, il a composé aussi l'OST d'Eastshade, mais que j'ai pas encore écouté, mais je suppose que c'est un peu le même genre. Et donc, c'est une musique très très douce aussi, que j'utilisais pour faire des exercices de relaxation, parce que je fais des crises d'angoisse de temps en temps. Et je sais, quand j'étais en voyage sur Bordeaux il y a un ou deux ans, j'avais été faire une animation autour du jeu vidéo. Et je me l'étais embarqué, et c'est vrai qu'avant d'aller faire l'animation, je me la mettais pour la relaxation et tout ça, et donc c'est très très doux et tout. Et c'est une musique voilà, qui est très très qui est courte, hein. Le jeu est très très court aussi, il fait une heure, hein. C'est un petit prologue, vous pouvez le trouver sur Steam. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est très relaxant, c'est très doux, ça appelle aussi à l'évasion et au voyage. Et donc voilà, donc c'est vraiment une BO que je conseille. Et ça, et d'ailleurs, je pense que je vais aller, à la fin de ce podcast là, quand on l'a enregistré, je vais aller acheter, parce que j'ai vu qu'il était sur Bandcamp, sur pas très cher, celle de Eastshade, puisque je pense que c'est un peu le même style. Et voilà, donc Phoenix Glendinning, qui est un compositeur qui vraiment fait un travail que j'aime beaucoup. Et justement, vu qu'on parle de tout ce qui est voyage et évasion, si tu devais choisir un jeu qui te rend zen, ou tout simplement qui t'appelle en fait un peu à l'évasion ou au voyage, qu'est-ce que tu prendrais comme jeu? Alors c'est assez compliqué, j'ai pas de choix définitif là-dessus. Néanmoins, je mettrai en avant peut-être tout ce qui est simulation de vol ou simulation spatiale, parce que bah y a rien de mieux que pour s'évader, voyager. Tu peux aller n'importe où, donc n'importe quel, par exemple Flight Simulator ou autre. Voilà, tu prends un petit avion, tu décolles et puis tu peux observer tout ce que tu veux. Ou sinon, si tu veux aller plus dans l'espace, eh ben, tu prends Elite Dangerous et tu te fais un petit voyage de quelques mois au centre de la galaxie, t'en prends plein les yeux. Et voilà, c'est, de toute façon, tu peux aller où tu veux. Voilà, moi c'est ce que je mettrais. Ouais, mais tu vois, mais c'est pareil, tu vois, j'ai pas du tout pensé à ces jeux-là. Alors peut-être parce que c'est pas des jeux auxquels je joue, mais effectivement, ouais, c'est voilà. Quelque chose qui te... Et comment il s'appelle le fameux jeu là aussi où on est dans l'espace et qu'on n'aura jamais, que les gens ont backé? Attends, je l'ai plus là. Lui il est vraiment dans l'espace, ça c'est sûr. C'est Star Citizen de notre ami Chris Roberts. Lui, je sais pas sur quelle planète il vit, s'il pense encore pouvoir sortir son jeu. Je sais pas si les gens qui l'ont backé, ils sont zen pour le coup. Bah, y a pas que les gens qui ont backé, y a tous les investisseurs qui croient encore et qui arrivent encore à filer de la thune à ce type-là, alors qu'on n'a pas vu ne serait-ce que le début. Enfin, bref, voilà. C'est un magicien, c'est un magicien de l'espace. Ah ouais, mais par contre, lui, s'il sort pas quelque chose de correct, il va devoir rendre des comptes à beaucoup de gens. Et je sais pas comment ça va se passer, mais enfin, bref. Ouais, bon, bah alors moi tu sais que le jeu qui me... Alors c'est pas qu'il me rend zen, mais... Enfin si, il me rend quelque part zen et il me fait voyager. Pas hyper loin, mais c'est vraiment un jeu en tout cas qui est par sa direction artistique et me fait une grande respiration, c'est Firewatch. J'en ai suffisamment parlé de Campo Santo sorti en 2016. C'est vraiment un jeu, mais un jeu de l'amour vraiment pour moi. Et pourtant c'est pas un jeu en monde ouvert ni rien, hein, quelque part. Donc on se retrouve dans ce fameux Shoshone Park. Donc qui n'est pas tiré de Yosemite comme je l'avais dit dans un précédent podcast, tu m'avais bien fait de me dire que ça avait rien à voir avec les Yosemite. Donc ça devait être l'autre, donc ça devait être plus ou moins Yellowstone, mais en tout cas ça se passe dans le Wyoming et c'est vraiment un jeu, ben voilà, la direction artistique et puis même tout, la musique, là où on est, c'est vraiment un jeu qui me fait voyager, en tout cas qui me fait évader, il y a vraiment un côté, je sais pas, c'est, en plus on est plus ou moins seul dans ce jeu là. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, il est pas très long, il dure que 5 heures, mais si un jeu vraiment que je trouverais dans une période de confinement où je me sens pas bien, ben ça serait celui-là pour me faire une sorte de respiration et d'évasion, parce que je sais pas, il y a vraiment une couleur, c'est lié aussi à la musique aussi de Chris Remo, et donc l'art c'était de Ulimos, mais c'est vraiment, enfin je sais pas, c'est, en tout cas il y a vraiment un truc sur ce jeu-là sur moi, et en tout cas c'est celui-là vraiment qui me permet de faire une respiration et de m'évader, de voyager à l'espace de quelques heures. Et justement, en parlant de jeux qui font voyager, alors là je parlais d'un jeu qui était assez court, mais si on va prendre un jeu justement pour passer le temps, mais qui est très long, qui permettrait justement de vraiment passer le temps, de vraiment s'y investir, puisque bah, quand on est en confinement, on a le temps. Donc voilà, donc est-ce que tu as un jeu vraiment à longue durée que tu ferais justement, un jeu que tu as envie de mettre en avant pour passer du temps justement et qu'on se sente un peu moins seul, enfin en tout cas on peut se sentir seul, mais du moins qu'on sente pas trop le temps passer et qu'on s'y perde. Bah, n'importe quel jeu de gestion, stratégie ou une simulation de sport. Donc moi je rejoue un petit peu à Civilization 5, mais j'aimerais bien faire le dernier Anno 1800 que j'ai pas encore. Donc ça c'est typiquement un jeu que je pourrais faire. Et si tu explores le mode bac à sable où tu fais les défis, etc., parce que tu as des campagnes, sinon bah, ça te prend des dizaines et des dizaines d'heures. Donc y a de quoi faire pour peu qu'on aime le genre. Ok, d'accord, c'est donc Civilization. Bah, moi pour mon côté, alors au début j'étais parti sur Gwent, The Witcher Card Game, parce que c'est un jeu que je suis en train de faire, que je me fais une petite heure tous les soirs, là, ou une heure et demie, de 6h à 7h30 avant d'aller me faire à manger. Je m'écoute des podcasts et je mets une petite partie de Gwent en même temps. Mais finalement, je me suis dit, non, quitte à prendre un jeu longue durée, bah, quasiment prendre The Witcher 3. Parce qu'à la fois, tu peux aller faire tes quêtes et tu peux même te balader dans le monde sans forcément faire tes quêtes. C'est le jeu, en fait, où il faut que tu retrouves Ciri, mais tu peux, en fait, faire plein d'autres choses sans retrouver Ciri. Tu vois, c'est un peu le truc toujours problématique dans ces jeux-là. C'est la fin du monde, mais en même temps, je vais quand même aller jouer au Gwent dans une taverne. Et donc, tu peux aller jouer au Gwent dans une taverne. Donc, voilà. Donc, je pourrais faire du Gwent là. Et en même temps, me balader sur les îles Skellig, à écouter la superbe OST, aider 2-3 pélos qui traînent par là pour faire une quête. Et c'est vraiment un jeu dans lequel tu peux voyager, te perdre, vraiment, et qui dure très très longtemps. En plus, avec les extensions qu'on a eues, tu peux vraiment passer au moins 200 heures tranquillement là-dedans. Tu peux le relancer pour tester différents choix et différentes occurrences. Donc voilà, c'est un jeu qui est très long. Je dis pas qu'il est sans fin, mais en tout cas on peut vraiment s'y perdre. Et en plus il est même sans fin, parce que si on passe son temps qu'on a envie de faire que du Gwent dans les tavernes, on peut faire que du Gwent. Alors ce sera pas le Gwent superbement animé de Gwent The Witcher Card Game, hein, ce sera le Gwent à l'ancienne, mais c'est très bien, c'est toujours mieux que le poker 2D de The Witcher 2. Donc voilà, donc moi c'est vraiment un jeu longue durée pour passer le temps et m'y perdre, je prendrais bien The Witcher 3 qui en plus est un jeu fantastique. Ouais. J'avais pensé aussi, puisque moi quand je l'avais fait à l'époque, à mon rythme, il m'avait fallu 3 mois pour tout faire. Et puis Red Dead Redemption 2 aussi, si tu veux, c'est à peu près la même durée. Et il m'avait fallu à peu près autant de temps pour tout faire. Et comme tu dis, c'est en plus c'est des jeux qui, à la fin, bah, quand t'as fini, bah, tu peux continuer, faire des tas de trucs annexes et te balader, effectivement. Il y a de quoi faire. Là, on parle des jeux qu'on ferait ou qu'on referait, parce qu'on voilà, on les a fait. Mais si justement, là, c'est la période aussi, et c'est le bon moment peut-être de faire des jeux. Alors, on parlait de ceux qu'on dégagerait, qu'on fera jamais dans le ménage de printemps. Mais un jeu que tu as dans ta bibliothèque, que tu n'as pas encore fait, tu dirais, ben, le fait d'être confiné, c'est peut-être le moment d'enfin faire ce jeu-là. C'est lequel que tu ferais, hein? En tout cas, un. Full Throttle. Un jeu d'aventure de la grande époque LucasArts, sorti au début des années 90. Je l'ai parce qu'ils ont fait un remaster HD et je l'ai pas encore lancé. Mais tu comptes le lancer là? Tu penses vraiment que c'est vraiment un jeu que t'aimerais faire, hein? Je pense que oui, je pourrais trouver le moyen de le lancer d'ici une dizaine de jours. D'accord. Et tu sais, tu peux raconter un peu de quoi ça parle l'histoire pour ceux qui connaîtraient pas? Non, j'en sais rien. Ah d'accord. Je sais pas, la jaquette, je sais qu'il y a un motard et puis voilà, et puis c'est tout. Mais bon, c'est un jeu d'aventure à LucasArts, donc il y a pas de raison que ce soit mauvais. Peu importe le thème. Non, désolé, en fait, je peux franchement pas en dire grand chose. Je suis désolé. Non, mais alors, je dis ça, je te pose la question, mais moi c'est pareil, mis à part la jaquette, je sais que c'est la grande époque LucasArts, donc que ça doit être bien écrit, que ça doit être fun, qu'il doit avoir des pulses pointe-et-clic, qu'il doit être totalement barré, que ça doit être bien drôle. Oui, et puis avec une bonne dose d'humour aussi. Hein. Exactement, ouais, voilà. Le jeu de l'époque, c'est comme Grim Fandango, etc. Ou les Monkey Island. Merci. Monkey Island, merci. Donc voilà. La grande époque, ouais, LucasArts, pointe et clic. D'accord, donc Full Throttle, effectivement. Ouais, ça fait partie, c'est vrai que souvent c'est des jeux où t'as des offres, tu te dis c'est un classique, faut que je l'achète, et c'est vrai qu'on les met, et puis on les installe pas, ils sont dans la librairie. Mais c'est pas un truc que tu virerais, c'est un truc que pour le coup serait susceptible de sortir rapidement. Ouais. Je pense. Ouais. Ben écoute, alors moi, il y en a un, je pense, que j'ai acheté récemment, et je pense que je vais le faire. Donc je vais en parler rapidement. C'est un point and click aussi, qui est sorti tout à fait récemment, qui s'appelle Dance of Death, du lac et le fée, où tu joues Lancelot du lac et la fée Morgane, qui a été transformée en chien, et ils enquêtent sur les meurtres de Whitechapel, donc de Jack l'Éventreur. Donc c'est un jeu, je sais pas, qui m'attire, il a pas eu des super critiques, mais en tout cas, le jeu m'attire, j'avais écouté l'OST que j'avais adoré, et donc ça m'a donné envie de me renseigner sur le jeu, et celui-là je pense que je vais le faire. En tant que point and click, mais en tant que point and click, j'avais envie de citer ce jeu, je me dis ça serait le moment de le faire, mais peut-être si le confinement dure 6 mois de plus ou 10 ans de plus, parce que ça fait quand même... Évidemment, mais non, mais il faut ça fait... mes 5, et oui... Putain, les chevaliers... C'est l'occasion refaite. Ouais. Tu vois, je parlais de let's play, peut-être que je devrais le faire en let's play. Ouais. Et je galérerai avec les puzzles, probablement, parce que je suis une brêle, mais oui, c'est le fameux, on l'emprunte à chaque fois, le fameux chevalier de Baphomet 5, The Serpent Curse, donc de Revolution Software, qui est sorti, il est sorti en deux épisodes. 2014. Ouais, 2013-2014 pour la version 2014 sur la version complète. Et c'est un jeu que j'avais, donc vous connaissez l'histoire si vous connaissez le podcast, ou si c'est la première fois, ben rapidement, c'est le jeu, je l'avais backé, ben dès que le projet était lancé sur Kickstarter, j'avais le super backing, machin chouette, avec le comics, le t-shirt, tous les jeux sur CD, les OST, tout ce qu'on veut. Et comme une grosse truffe, je l'ai à la fois installé, je crois, je l'ai en jeu, je l'ai installé sur Steam, il est aussi sur GOG, et je l'ai jamais lancé, je suis vraiment la pire des brêles. Et alors que j'attendais vachement, je sais pas pourquoi, c'est complètement con, donc c'est le truc où je me dis, faudrait que tu t'y mettes, et donc peut-être que si le confinement est prolongé encore jusqu'à juin, je vais m'y mettre. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de le citer pour la vanne, parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me retient, il y a quelque chose de pathologique là-dedans, mais bon, en tout cas... Oh, c'est... Moi je pense qu'au mois de mai tu vas le lancer. Ouais, peut-être. Ouais. Pour le May the Force. On va voir. Ouais, c'est ça. On va voir. Ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais peut-être que je le ferai. Et justement, en parlant de jeux, donc là c'est une saga et je vais être baphomé, mais justement, s'il y avait une saga du jeu vidéo que tu referais en profitant du confinement, donc c'est pas forcément une saga que tu fais tout le temps, mais que par exemple moi je suis fan d'Uncharted, ben, je la fais quasiment une fois par an, la saga, donc c'est pas le confinement qui va faire changer les choses là, mais une saga justement que t'as pas fait depuis longtemps, que t'as fait qu'une fois, ou que un ou deux épisodes de la saga, et tu te dis, ben là c'est le confinement, ça prend vachement de temps, ben je vais en profiter pour le faire. Ou le refaire. moi je vais pas faire extrêmement original parce que Uncharted, pourquoi pas, oui, j'ai le dernier jeu qui est donc Lost Legacy, je l'ai fait qu'une seule fois et j'aime beaucoup cette saga. Sinon les Mass Effect, voilà, c'est franchement pas original, mais voilà, refaire tous les Mass Effect avec quelques petits mods pour augmenter le premier, voilà, c'est une saga que j'adore vraiment. Sauf l'Andromeda, et donc là je parle de la trilogie. Hein. Oui, voilà, quand tu dis c'est ça, quand tu dis tous les Mass Effect, la trilogie Shepard en fait. Bah non, oui, non, parce que l'autre je l'aurais dégagé de toute façon. C'est vrai. La trilogie Mass Effect, ouais, pourquoi pas. Ensuite, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais. Là, comme ça, il y a rien d'autre qui me vient. Mais je te demande quelle saga, va pas à chaque fois m'en sortir plein, Coco. Eh non, il faut choisir. Faire un choix, c'est important. Mais. Il y a peut-être une autre que j'aurais pu mettre et à laquelle je n'ai pas pensé. Mais donc voilà, Mass Effect. Trilogy Mass Effect, c'est, j'y ai pensé, j'hésitais entre deux, mais vu que tu l'as cité, ben je citerai l'autre, qui est aussi de BioWare. C'est les Dragon Age. Tu vois, finalement, je voulais faire les Mass Effect, mais comme tu en parles, je me dis, tiens, mais j'hésitais entre les deux. Mais Dragon Age, pareil, donc c'est BioWare, hein, du action RPG. Donc Dragon Age Origins, sorti en 2009, il y a eu aussi des extensions qui étaient cool, hein, The Awakening, il y a eu le Dragon Age 2 qui a été pas mal critiqué, et c'est vrai qu'il y a plein de choses à en redire, mais l'histoire est quand même assez cool, et le Inquisition, donc voilà, donc toi c'est quelque chose en fait sur lequel j'aimerais bien repartir, parce que j'aime beaucoup cet univers-là en fait, je trouve que c'est vraiment super intéressant, même le 2 qui a plein de... Ouais, mais alors le 2, rien que pour le 2, moi je me referai pas le truc, parce que certes l'histoire est intéressante, mais alors c'est déjà une plaie à faire, mais alors à se le retaper, moi je pense pas que j'aurai la patience personnellement. Ah ouais, ben tu sais, moi je l'ai déjà fait au moins deux ou trois fois et Ah ouais, non, j'ai fait qu'une seule fois. Je pense que je suis beaucoup moins regardant sur ça. Alors après le gameplay en plus il était quand même mieux que celui-là, enfin moi j'aimais bien, il était assez vif, par contre c'était le level design, c'est vrai, où les mecs ils faisaient des copier-coller de trucs. Ah, ils recyclaient à mort les cartes, c'est horrible. Mais tu vois, je pense qu'en fait j'aime tellement les personnages et tout ça, et tu sais, que j'arrive à... Parce qu'il n'est pas monde ouvert du tout en fait, hein. Aucun sont monde ouvert, mais là c'est vraiment un truc très resserré. Et j'arrive vraiment à passer outre quand même. Et l'Inquisition finalement, que je n'ai fait qu'une fois en entier complètement. Après j'ai une partie en cours où je dois en être à bien une cinquantaine d'heures, mais que je n'ai pas continué. Donc ça serait l'occasion en fait de tous les refaire. Et puis j'aime beaucoup, je l'ai fait plein de fois le premier. Les combats, alors c'était un peu différent, mais j'aime tellement le premier. Hein. Donc je crois que c'est peut-être un truc que je ferai. Mais Mass Effect, c'est vrai que ça donne aussi envie de les refaire, la trilogie Shepard, parce que là pareil, hein, les personnages et tout ça. Et si, comme tu dis, si on trouve un bon mode pour le premier. Bon, après, les deux, on a déjà parlé, c'est une super saga, une super trilogie. Donc voilà, le 4 n'existe pas, comme une célèbre trilogie cinématographique sur un aventurier avec un chapeau et un fouet. Et donc c'est vrai que voilà, Mass Effect ou Dragon Age. Sinon, on va penser aussi des jeux. Alors t'en as déjà peut-être parlé Full Throttle, mais là avec un autre jeu, ou un jeu où justement, quand on est en confinement, des fois on peut mal le vivre. Et on peut avoir une sorte de petit coup de déprime, coup de blues, qui n'est pas forcément bien. Quel jeu justement tu lancerais, et peut-être que t'as le même que moi pour le coup aussi, pour sortir de la déprime justement, pour un peu te remettre en bonne forme et avoir la pêche. Ouais, moi je sais lequel tu as choisi, donc j'en ai pris un autre, et en plus j'ai évoqué juste avant. Donc voilà, c'est Grim Fandango. Parce que, déjà c'est des personnages, donc on est mort en fait, hein. c'est le monde des morts. Et pourtant il y a une telle légèreté, un tel humour, c'est pas du tout glauque, ni sombre, franchement ça file la pêche, parce que le personnage de Manny est vraiment génial, et il y a une bonne dose d'humour. Et ça fait voyager aussi, donc je voulais mettre celui-là en avant. Ouais, mais d'ailleurs comme tu dis, en plus tu dis c'est léger, mais en même temps il y a de la réflexion derrière, c'est que c'est drôle et en même temps tu réfléchis, comme tu dis il y a un humour, il y a une ambiance. Alors c'est le Grim Fandango, c'était Double Fine qui avait fait ça, je crois. Oui. Et donc c'est comment il s'appelle, c'est Tim Schafer, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Tim Schafer, le cerveau de Double Fine. Ouais, donc c'est super bien écrit. Et ça, c'est pareil, c'est un jeu, je crois. Je sais même pas si j'ai fait un entier, ce serait peut-être aussi. Je pourrais le caser dans les jeux qui seraient peut-être temps de faire d'ailleurs. Mais je te l'ai offert. Je sais que tu me l'as offert. Mais le mec qui me cloue au pilori comme ça en direct. Mais je sais que tu me l'as offert. Je sais que tu l'as. Je sais que tu l'as. C'est pas la peine de me sortir des cracks, mon ami. Je sais que vous l'avez. J'aurais dû dire, tu vois, heureusement que j'ai pas dit que c'était celui-là dont je me séparais. Genre, celui-là, je l'ai acheté, je sais pas pourquoi, mais j'en ai rien à foutre, je le ferai jamais. Et là, mais c'est moi qui t'ai offert. Ah bon, bah. Heureusement. Non, mais c'est un truc qu'il faudrait que je fasse. J'adore l'OST aussi. Et je sais que je l'avais lancé. Et en fait, je sais pas pourquoi. C'est un truc qu'il faudrait que je refasse tout aussi. Faudrait que je me remette à ces potes geeks là, effectivement, parce qu'en plus je sais qu'il est culte et l'écriture est vraiment top. Et donc, bon, ben alors, donc en fait, qu'est-ce que j'ai choisi moi? Donc vas-y, tu peux dire le titre, parce que je sais. C'est Borderlands. Tales from the Borderlands, parce que surtout pas les Borderlands avec leur humour pipi caca, la con co-op de Gearbox, j'en ai un peu rien à foutre. Mais non, c'est le fameux Tales from the Borderlands de Telltale, donc sorti. Donc j'allais dire sorti en 2015, mais non, le premier épisode était sorti, c'était un épisodique en 2014, donc 2014-2015, qui est un jeu qui file la pêche, qui est drôle, on en a déjà parlé plein de fois, moi c'est un de mes jeux de la précédente décennie, enfin toi aussi d'ailleurs je crois. Et voilà, c'est top, les personnages sont excellents. Voilà, c'est vraiment l'espace de. Chaque épisode se fait grosso modo en 2h, 2h30, donc l'espace d'une dizaine d'heures, on va dire, sur l'ensemble de l'aventure, tu passes un super moment. Et c'est vraiment un jeu qui file la pêche, c'est hyper rare. On parlait de la grande époque LucasArts, qui savait être drôle, mais c'est pas facile d'être drôle. Et Tales from the Borderlands, donc telle façon qui a été fondée à l'origine par des anciens de LucasArts aussi, hein, arrive à être super drôle. Donc voilà, donc un jeu pour sortir de la déprime aussi. Eh bien, ça serait pour moi Tales from the Borderlands, donc je vois que tu me connais très bien. Alors, tu parlais de The Division, tu vas peut-être pas me le ressortir, mais si on devrait justement jouer avec d'autres confinés, mais qui sont confinés ailleurs, donc quel jeu justement multi-online, ou co-op, donc comme tu veux, donc online tu ferais avec des joueurs du monde pour te connecter et pour jouer. Lequel, décide-moi sans qu'un, s'il te plaît. The Division 2. Non, j'en sais rien en fait. En vrai, j'ai pas franchement de réponse. Je dis celui-là parce que c'est celui que j'étais en train de faire en multi en ce moment. Mais. Enfin, sinon, n'importe quel MMO. Enfin, je sais pas. On peut prendre le mien alors, puisque c'est un MMO et qu'on a fait ensemble. Et c'est le seul que vraiment que je joue vraiment online. Ben, moi, ça serait The Old Republic, puisque je suis un fan de Star Wars. Puis on s'appelle la Cantina Chictaba, donc il faut bien qu'on parle de Star Wars à un moment. C'est vrai. Et donc, en fait, voilà, parce que c'est un jeu que tu peux. Alors, tu peux le faire tout seul, mais ben, voilà, tu peux aussi. Il est assez narratif. Moi, je suis quand même vachement sur le narratif. Bon, dans The Division aussi, tu m'as dit qu'il y avait. The Division. Je vais mettre un peu l'accent quand même. Parce que... Ouais, la narration est franchement en retrait, c'est mal foutu de ce point de vue là, c'est pas le point fort du titre. Bon, bah alors on va garder la narration de Old Republic, et donc voilà, c'est un jeu Star Wars. Donc c'est un univers aussi, mais t'as plein de planètes différentes, donc tu peux à la fois voyager, tu peux faire donc du PVP, mais tu peux même juste faire en fait du PVE environnement. Et donc voilà, donc en plus, comme t'as plein de personnages, tu peux jouer quand même pendant très longtemps, faire plein de quêtes, il y a les extensions et tout ça. Donc ça serait pas de l'occasion pour moi de faire les extensions que j'ai jamais fait, mais en tout cas voilà, c'est vrai que je suis pas du tout jeu multi, mais comme il y a le côté narratif, il y a le côté Star Wars, ben voilà, faire celui-là en MMORPG online, c'est vraiment en tout cas le jeu que je ferais si le confinement devait vraiment durer et que je devais me forcer à jouer en multi, c'est vraiment le jeu sur lequel j'aimerais repasser du temps en tout cas. Ouais, bah c'est un bon choix, il y a énormément de... Il y a de quoi faire. Le confinement ne durait pas assez longtemps pour tout faire, je pense. Mais attention à ce que tu dis, parce que pareil, d'ici quelques... Le temps que là, on enregistre le podcast, on est le 21 avril. Le temps que je le monte, peut-être que vous écoutez le podcast ben, la semaine suivante, ou peut-être que vous allez tomber dessus par hasard, trois ans plus tard, hein, sur tomber sur YouTube, ou il est disponible. Le podcast est aussi disponible sur Spotify, sur PodCloud, sur Deezer. Bon, bref, vous tombez dessus peut-être en 2022, et en fait, peut-être que c'est le jour de la fin du confinement. Et donc, on sera plus là, en fait, où on est en 2057. En fait, c'est comme les journaux audio dans The Last of Us, tu sais, on va tomber dessus, et il va dire, ah oui, alors, il va dire, mais de quoi il parle? C'est quoi ces jeux à la con? Et quand on parlera justement de Andromeda, ça sera un jeu culte peut-être dans 30 ans, tu sais, ça sera le jeu que tout le monde fait en rétro gaming, donc tu vois, on sait jamais. Ouais, parce qu'en fait, dans Andromeda, les mecs, ils étaient visionnaires, c'est la fin du monde, on va envoyer un vaisseau spatial pour coloniser je sais plus quelle planète d'une autre galaxie, parce que la Terre est condamnée. Ouais, ou alors peut-être que quand vous écoutez le podcast en 2055, peut-être que c'est pour le jour de la sortie de Star Citizen. Genre, oh putain, le jeu fantastique, Star Citizen. On sait pas. Oh merde, incroyable. Ah, le mec, c'est je l'ai fait. Tu vois, le mec, impeccable. Bon, revenons donc au point que je voulais dire. Là, on parlait du multi online avec des joueurs en ligne. Si tu veux choisir un perso du jeu vidéo, pour le coup, avec qui discuter, ben, quelqu'un avec pas en ligne, mais qui t'appelle, parce que on n'est pas forcément. Moi, par exemple, je suis tout seul confiné chez moi. Donc, après, en fait, comme je vois pas beaucoup de monde, ben, je les appelle au téléphone. Donc, voilà, avec qui vous aimeriez être régulièrement, en fait, au téléphone pour discuter, pour vivre ce confinement, ben, chacun à distance, mais pour échanger. Donc, quel perso tu choisirais, toi? Pourquoi pas. Allez, Kyle Katarn. Allez. Kyle Katarn, tu peux nous dire qui c'est pour ceux qui ne savent pas? Kyle Katarn, oui, donc le héros des jeux Jedi Knight, enfin Dark Force Jedi Knight, donc qui était dans que je dis pas de bêtises, Dark Force 1, Dark Force 2, qui s'appelait aussi Jedi Knight 2 et Jedi Academy. C'est compliqué. Ouais, c'est génial. C'est Dark Force, Dark Force 2, Jedi Knight, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Jedi Outcast, Jedi Academy. Ouais, c'est ça. Le mec à chaque fois, c'est le. C'est... Un vrai bordel. Donc voilà, ancien impérial, ancien mercenaire, c'est lui qui a volé les plans de Daytona. Et en fait, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais c'est surtout parce que dans Jedi Academy, quand tu choisissais des missions, c'est lui qui t'appelait. Et il disait « Hey, Jaden, nanana ». Mais c'est vrai, il y avait une espèce d'holo vidéo. Des fois, t'avais aussi C-3PO qui apparaissait ou Luke Skywalker. Mais effectivement, à chaque fois, c'était « Hey, Jaden ». Puis après, t'avais l'écran qui frisait sur la bouche à demi-ouverte avec sa barbe un peu grisonnante. Ouais, c'était la technique de l'époque. Donc je sais pas, je pense à lui parce que j'ai réfléchi à cette question depuis hier, là, deux jours. Et je vois personne en fait. Donc il y a lui qui m'est venu à l'esprit. Et puis en plus, pour le coup, tu pourras vraiment boire des bières coréliennes avec Calcatarn, et puisqu'il en commande, il même commande même un Ruby Mary. Un Ruby Mary sur Nar Shaddaa. Dans un verre propre. Et ouais, bien vu tout ça. Et d'ailleurs, tu tombes bien parce que, avec ta réponse, parce que Jedi Academy qui est disponible sur Nintendo Switch et sur PS4 maintenant. Oui, et justement, alors c'est marrant que t'en parles parce que j'ai appris ça complètement par hasard sur Twitter, où en fait, donc il est sorti et ils ont activé le cross-platform, je crois, par erreur. Et les mecs qui débarquaient en multi sur Switch ou Nintendo, et bien en fait, ils se faisaient défoncer la tronche par des mecs en fait qui jouent sur PC depuis 15 ans dessus et qui maîtrisent toutes les techniques. T'avais pas entendu parler de ça? Non, mais si j'avais su, je l'aurais réinstallé rien que pour faire le malin. Ah non, mais les mecs ils débarquent et disent, mais putain, mais comment ils font? Et non, en fait, non, le cross-platform était là et les joueurs PC, c'était la boucherie quoi. Tu voyais les tableaux de score, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, il y a une vraie technique, mine de rien, dans ce jeu avec trois styles de combat. Et quand tu maîtrises bien tous les mouvements, les mouvements des sabres et les mouvements du personnage, en fait, ça devient mine de rien technique et franchement très compétitif. Alors, les casus qui arrivent avec une manette, mais tu peux pas lutter, quoi. Ils se faisaient arracher. Donc voilà, je te balancerai le lien. C'est excellent. C'est magique. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller essayer de regarder ça sur internet, ça sera assez sympa. Mais c'est vrai que c'était un super multi, on parlait de jeux multi, mais tu te rappelles le multi même de Outcast, on se régalait avec ça, on mettait notre main en botte et ça partait ou n'importe quoi. Dans Nar Shaddaa, justement, on balançait avec les pouvoirs de force les mecs dans le vide, on mettait du Bosque aussi, du Cheese. Ouais, et t'avais des modes sympas où il y en avait un qui avait un sabre laser, il fallait tous le buter et récupérer le sabre pour être le. Je sais plus comment ça s'appelait ce truc. Enfin bref, mais ouais, il y avait des modes franchement sympas. C'était quand même super cool. Bah écoute, ouais. Et donc du coup, j'ai appris par là même qu'il a encore bien joué aujourd'hui en multi, quoi. C'est impressionnant. Bah ça donnerait limite envie de retester. Ouais, pour un jeu qui a 20 ans, parce que c'est sorti en 2000 ou 2001. Lequel? Le 2000. Podcast, le 2, 2001, je dirais. 2002, je crois. Ouais, peut-être 2002. Mais c'était ces années-là, en tout cas. En tout cas, tu vois, tu fais bien d'en parler. Écoute, alors moi, pour le personnage avec qui j'aimerais discuter, c'est quelqu'un qui est habitué à discuter à distance aussi, tu vois, parce que je prends... Et je parlais de Firewatch, donc je vais prendre Delilah. C'était sûr. Parce que j'aime beaucoup ce personnage. C'est vraiment un personnage qui est fabuleux. Et quelqu'un qui est habitué, justement, à vivre dans un peu de sorte de... Pas de confinement, mais en tout cas d'être seul, discuter, et qui a un humour particulier. Bon, elle a un peu des problèmes d'alcool aussi, hein. Elle fait la bringue et tout, mais c'est un personnage qui est vraiment... J'aime beaucoup sa voix, en plus. Donc, elle est doublée par l'actrice Cici Jones. C'est une femme qui est super, Cici Jones. Écoutez des podcasts, des interviews avec elle. Elle est vraiment, vraiment cool. Et le personnage est superbement bien écrit. C'est un des plus beaux personnages de jeux vidéo. Et il n'existe que par sa voix, en fait, puisque on la voit jamais, Delilah, dans le jeu. Et en tout cas, on discute avec elle par Talkie Walkie. Donc voilà, quelqu'un qui est habitué à discuter comme ça à distance. Et voilà, donc c'est elle vraiment avec qui j'aimerais discuter, parce qu'on peut un peu discuter de tout. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment hyper important. Et c'est vraiment un personnage qui gagne à être découvert. Donc voilà, donc ça serait bon pour moi, Delilah de Firewatch. Et justement, on parle des persos avec qui on discuterait. Si on devait organiser un apéro Skype, donc là pour le coup, c'est pas discuter tout le temps, mais faire une soirée Skype. Alors on va prendre 4 persos max, 3 ou 4 persos max. Avec qui c'est que t'aimerais avoir en Skype, en fait, donc en visio, apéro, conférence, pour passer une soirée bah, cool quand même. Bah, ou tu peux prendre des mecs aussi qui sont pas du tout drôles et qui te plombent la soirée si t'as envie. Hein, mais... Ouais, bah, parce que moi c'est un petit peu ce que j'ai. Je pense que ce serait cool, mais que ça pourrait s'échauffer un petit peu vu le tempérament de certaines personnes. Mais j'ai choisi donc des personnages qui aiment bien boire un coup et tailler une bavette. Donc j'ai pris Sully de la saga Uncharted, Jim Raynor de StarCraft, Kanderus Ordo de KOTOR 1 et 2, et enfin Shani de Witcher, pour alléger un petit peu ça. Ah ouais, donc effectivement, t'as des mecs quand même qui sont plutôt portés sur la bouteille, quoi, ça va... Ah bah oui, oui, bah totalement. Ça risque de finir dans les jeux à boire, et la pauvre Shani... Alors tu sais que vu qu'elle s'occupe quand même de mon dossier médical, il s'agirait pas qu'elle soit bourrée pour s'occuper de mon dossier, tu vois. Ouais, mais c'est pas la dernière à picoler pour ceux qui ont fait l'extension, justement. Oui. Voilà. Et puis même les bouquins. Hein, donc voilà, c'était un peu compliqué de... Voilà, c'est pas franchement homogène. Je pense pas qu'ils s'entendraient tous. Mais pourquoi pas, ça pourrait être drôle. Oh, je pense que Sully Kanderus, ça peut bien donner, quoi. Ah oui, complètement, ouais. C'est... donc quoi, ouais, c'est des... Non, c'est... moi, je trouve que c'est... Ah ouais, ça peut être... Ça peut être faire. Alors, c'est peut-être Shani qui va peut-être trouver le titan long, mais comme tu dis, elle est quand même assez endurante et ça va. Elle a réussi à supporter Geralt et le fantôme du frère de comment il s'appelle, de Holgerd dans la. Ouais, de Hogrid. Dans la super scène de mariage qui est fantastique. Encore de. On dira jamais assez à quel point Hearthstone est quand même fantastique comme extension. Ouais. Et la scène de mariage est juste géniale et c'est vrai qu'elle est brillante dedans. Et donc un bon apéro Skype, ça peut effectivement partir à... Non mais tu vois, je pensais à des mecs genre déprimants, tu vois, parce qu'au début je m'étais dit genre Max Payne, le mec, si c'est pour balancer des voix off hyper déprimantes, il te plombe l'ambiance, Max Payne, quoi, tu vois. Si t'as envie de te pendre, ouais, effectivement, tu peux rajouter Max. Si t'as envie de te prendre, tu prends Max Payne, tu prends Lucas Kane de Fahrenheit, tu vois, le mec déprimé, improbable. tu peux prendre aussi le mec d'Heavy Rain, là, quoi il s'appelle. Oui, pareil. Tout à fait, ouais, j'y pensais, ouais, c'est pareil. Et ensuite, qui c'est que tu peux prendre d'autres c'est des mecs ou quelqu'un qui parle pas. Bah, Gordon Freeman, le mec ne parle pas. Tu vois, c'est l'apéroscope, ouais. Horrible, quoi. Tu vois, le truc, l'ambiance de merde entre un qui fait des voix off, un autre qui a des visions, un autre qui dit Jason, et puis le mec qui parle pas, tu vois, ça, c'est l'apéro pourri. Non, moi j'ai pris un apéro quand même, pour le coup, assez cool, avec des profils, je pense, qui pourraient super bien s'entendre. Alors, sachant qu'en plus, moi, quand je fais mon apéro Skype, je suis avec Elisabeth. Donc, je me suis dit, je vais vous prendre des gens avec qui elle pourrait s'entendre, elle aussi, tu vois. Mm-hmm. Et donc, en fait, j'ai choisi Elena Fischer d'Uncharted. Et parce que je me suis dit, Elena, elle est forcément confinée avec Nathan. Donc, si je suis avec Elena, il y aura Nathan en plus. Tu vois, je triche, je rajoute une autre personne. Oh là là. Et oui, c'est malin. Il y aura même peut-être Cassie aussi, puisqu'ils ont une gamine. Ouais, oui. Attention, spoil Uncharted. Et le chien. Et Vicky, le chien. Donc, je me suis dit, comme ça, t'as le duo, tu vois. C'est pour ça que je vais prendre que trois personnages, en fait. Parce que t'avais déjà Elena et Nathan qui sont ensemble dans pour le Skype. Et ensuite, je prendrai d'autres personnes qui se connaissent bien, mais qui ne vivent pas ensemble, donc ils auraient un peu de chacun de leur côté, mais qui, je pense, s'entendraient super bien avec moi, avec Elisabeth, et aussi avec Elena et Nathan. C'est Nico de Chevalier de Baphomet et George Tobart. Donc je pense qu'un apéro avec George Tobart, Nico, Elena, Nathan, Elisabeth et moi, je pense qu'on peut vraiment tous bien s'entendre. Ah bah c'est, en plus ils ont entre Nico George et Nathan et Elena, enfin ils ont le même profil, quoi. C'est explorateur, un peu aventurier, journaliste. Et, mais c'est pour ça que je les ai choisis, en fait. Et oui. Parce que tu vois. Et oui, parce que Nathan, il est du côté de New York et tout ça. Enfin, en tout cas, il a vécu par là-bas. Et George aussi, mais en fait, ils ont voyagé pas mal. Nico, elle est journaliste. Elena était journaliste aussi. Nico, par exemple, elle est sur Paris. George a été sur Paris. Et on sait qu'Elisabeth, elle aimerait visiter Paris. Donc, tu vois, ils pourront parler de Paris aussi. Elle a été sur Paris. Donc, tu vois, il y a plein de sujets communs. Donc, c'est vraiment pour faire une soirée. Tout le monde s'entend bien. Avec un humour pince sans rire aussi pour George et Nico. Le côté aussi des contracts de Elena et Nathan. Donc, je pense qu'il y a moyen de passer vraiment une super bonne soirée tous ensemble, en fait. Donc, voilà. Donc, tu vois, je pense que ça serait un apéro Skype qui serait vraiment super agréable. Et si je devais rajouter un quatrième, parce que j'ai dit qu'ils étaient ensemble, je prendrais peut-être Lara Croft, celle des Reboot par exemple, parce que c'est pareil, elle a voyagé et tout, donc ils pourraient tous bien s'entendre. Et ça serait un apéro sympa. Je pense pas que ça se mettrait une grosse charge par contre. Ça serait plutôt décontracté. Oui. Non, alors que moi, non, ça partirait à la baston, je pense. Ah, ça serait des concours à boire entre tout ce petit monde-là. Ça serait, allez, hop, bière corélienne et bière coréenne. Allons-y, ah ouais. Quoi, tu vois, ça serait assez sympa. Et bon, justement, alors on fait l'apéro et tout ça, mais justement, avec le coronavirus, bah, des fois, ça donne des ambiances aussi un peu de fin du monde. Donc, justement, si c'était la fin des temps, the end of the world, l'apocalypse, et qu'après, ben, justement, tu te retrouvais dans un monde post-apocalyptique, dans lequel tu penses que tu voudrais évoluer, ou tu te retrouverais, ou tu aimerais te retrouver, ou tu arriverais à survivre, on va dire. Franchement, je pense aucun. À part, alors, il ressort encore parce que c'est The Division, mais voilà, c'est logique, c'est pas un mode, un monde post-nucléaire ou quoi que ce soit comme Fallout où les chances de survie, si t'es tout seul, elles sont extrêmement minces. Donc voilà, The Division, je veux dire, si t'as été un survivant, bah, c'est un monde dans lequel tu as des chances de survivre et voilà, c'est un monde que tu connais quand même un petit peu. Mais sinon, y a quoi qui fait envie Fallout, Westland, tout ça, c'est... Bah, tu sors, tu meurs, quoi. Donc, en fait, je connais pas de monde post-apo dans lequel j'aimerais être. Enfin, il y en a peut-être un, mais il m'est pas venu à l'esprit, en tout cas. Parce que même Last of Us, c'est pareil. Hein. Bah écoute, moi j'en ai un, c'est Everybody's Gone to the Rapture. Ah. De Chinese Room, qui est sorti en 2015, le jeu. Et quelque part, il peut être considéré comme un post-apo, donc c'est dans une petite ville un peu cottage anglaise et tout ça. T'as pas de danger, parce qu'il n'y a pas des mecs qui vont vouloir te trucider ou des zombies, mais t'as personne. Oui, bah oui. Oui, je le fais en plus, donc je vois très bien ce que c'est, mais effectivement, ouais. Donc quelque part, tu vois, j'aimerais bien me retrouver dedans, parce que tu vois, je trouve que c'est un côté de fin du monde qui est très douce, très... Mais par contre, après, je serais tout seul, donc c'est pas dit. Peut-être qu'au bout d'un moment, bah, voilà quoi. Ah. Oh, tu tires une balle, hein. Ben après, moi je pars toujours du point de vue que je suis en confinement avec Elisabeth, donc quand je sors du confinement, si on est dans l'univers de Everybody Goes, on peut se balader un peu partout, mais tu vois, c'est un truc, tu vois, quelque part, quitte à ce que le monde, à la fin du monde, ça soit ça, et ben voilà, finir là-dedans, et puis au bout d'un moment, et ben après, voilà. Alors par contre, c'est vrai que tu te retrouves seul, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé dans ce côté confinement parce qu'on a parlé des trucs positifs, tu vois, je t'ai pas demandé dans quel endroit tu voudrais surtout pas du jeu vidéo être confiné, quoi, tu vois, par exemple. Mais c'est vrai que l'isolement aussi, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, et puis après, vous aussi, c'est quand même important qu'on a parlé des personnes avec qui on aimerait être confiné, avec discuter. C'est pas pour faire mon instant sérieux, mais c'est vrai que c'est important de discuter avec des gens, ne serait-ce qu'en ligne, rencontrer, même physiquement si on peut pas à cause du confinement, mais au moins même par téléphone, la voix c'est hyper important, par Skype, ce genre de choses-là. Le contact est quand même vraiment important, et au bout d'un moment, on part en vrille, donc voilà. Donc c'est un monde post-apo qui serait très agréable, mais le fait qu'il soit vide de personnes, tu peux toujours écouter les messages et lire les trucs, hein, mais c'est un truc qui forcément pourrait peser aussi à la langue, donc je sais pas si j'y resterai très longtemps, mais en tout cas je sais que je pourrais y vivre et y survivre pendant un petit moment, que comme tu dis, après les autres univers, moi et ma super constitution physique, à part si je suis dans Fallout et que je reste dans un abri, tu sais, comme les mecs dans Fallout 4 qui restent dans l'abri, bah sinon je pense que je m'en sortirai pas très très longtemps, tu vois, je me ferai avoir connement par un truc, voilà, j'irai pas très loin. Donc pour moi, voilà. Un insecte géant, un cancre là géant, comme dans, ouais, voilà. Comme dans Fahrenheit, qui était... je sais pas pourquoi je parle de Fahrenheit, c'est parce que j'ai voulu faire un let's play et ça a foiré. Fahrenheit c'est post-apo, oui, à la fin, ça peut l'être. Hein. Ça peut être post-apo à la fin, exactement. Ouais. Et ça peut être un truc bien pourri aussi où tu vis dans un enfin, l'humanité est foutue et tu vis en fait dans un métro, un peu comme dans Métro 2033 et tout ça, quoi, en fait. Donc, le truc très agréable. Mais justement, en parlant de on va parler de fin de confinement, parce qu'il y a un moment, bah, ça va bien se terminer ce confinement. Et justement, le confinement est terminé. Et c'est une nouvelle, tu ne t'attendais pas du tout. Et quelle autre super bonne nouvelle autour du jeu vidéo t'aimerais avoir, à savoir quel jeu t'aimerais le confinement est fini, qui soit directement disponible. Et là, tu peux choisir ce que tu veux. Ça peut être un jeu qui doit sortir ou qui a été repoussé, un jeu qui a été ne serait-ce qu'annoncé, ou alors même un jeu que tu fantasmes et tu te dis, bah, tiens, c'est la fin du confinement et j'aimerais que là, par magie, ce jeu soit là. Donc, alors, par contre, tu peux tout dire sauf Star Citizen et FF3. Il faut pas déconner non plus. Ah non, merde, attends, j'allais dire Half-Life 3. Non, c'est vrai, en plus. Non, il faut un peu de logique quand même. Non, ça marchera pas. C'est... Oh merde, bon c'est bon, j'ai un backup. Non mais deux mois de confinement, c'est... Non, il faudrait que le confinement il dure un siècle, là, tu déconnes mec. J'ai un backup. Diablo 4. Oh joli. Voilà. Bah oui, parce qu'il a été annoncé il y a pas extrêmement longtemps, il y a quelques mois. Parce que c'était à la dernière BlizzCon, donc je crois que c'est vers octobre-novembre. Donc il est vraiment pas prêt de sortir, hein. C'est sûr que des jeux comme Bloodline ou Cyberpunk sortiront cette année, donc largement avant. Et pour autant, c'est celui qui me ferait le plus envie s'il devait sortir. Bien qu'on n'en ait pas vu grand chose, je sais pas, je serais. Lancement, j'aurais plus envie de tester Diablo 4 en multi avec des potes que Cyberpunk ou Bloodline qui sont des jeux solo, étrangement. Voilà. Non, bah écoute, mais c'est vrai, et puis t'aurais pu dire aussi Bloodlines 2, The Last of Us Part 2 qui a été repoussé aussi. Bon, tu aurais quand même Half-Life 3 à côté, j'hésiterais. Ah, surtout s'ils te disent Half-Life 3 avec Gordon Freeman qui parle. Qui parle, et en VR. Et en VR. Bah ouais, donc du coup Diablo 4, moi ça me paraîtrait un bon choix par rapport à ce qui est annoncé, bien qu'il y en ait d'autres qui sortiront à plus court terme, je pense. Ah ouais, non mais là c'est vraiment le jeu, tu dis fin de confinement, c'est le cadeau que t'offre la vie, et donc ça serait Diablo 4. Oui voilà, le gros cadeau, celui-là. Mais c'est peut-être parce que les autres jeux que j'attends, je sais qu'ils vont sortir cette année. Il y a Street of Rage 4, il sort dans une dizaine de jours, donc là on est le 21 avril. T'as aussi Across the Grooves, le prochain jeu de Novabox, il va sortir bientôt. Oui. Donc voilà, en fait j'aimerais bien que Diablo 4 il sorte juste beaucoup plus tôt, c'est tout. Bah écoute, ouais d'accord, Diablo 4, de toute façon s'ils sortent, je pense que... j'ai pas encore fait le 3, mais peut-être que je testerai le 4, ça dépendra, c'est pas dit, c'est pas le ouais, truc que je... Ouais, t'as le temps de faire le 3 avant que le 4 sorte, à mon avis t'en as bien pour 2 ans de développement facile. Je sais pas ce qu'ils ont annoncé, mais bon c'est bizarre donc ils vont me prendre leur temps. Bon, encore un jeu que je pourrais faire pendant la période de confinement, mais que je ferai probablement pas, mais je l'ai pas dans ma bibliothèque celui-là, donc j'ai pas... Non, celui-là tu l'as jamais acheté. Non. Mais je te l'ai dit, que pour 15 balles t'as tout. Hein. Ouais je sais, mais bon, pour 15 balles, j'ai préféré m'acheter, même un peu moins de 15 balles, le fameux Dance of Death du Lac and le Fée, que je vais tester, qui a l'air assez sympathique. Et ben écoute, moi justement, alors, je me foutais de la gueule de... Je vais prendre un jeu Valve, qui n'est pas Valve, qui est un jeu Campo Santo qu'on n'aura jamais, mais ça serait mon cadeau de fin de confinement, que j'aimerais avoir. Alors j'aurais pu parler, j'ai pensé à The Wolf Among Us 2, mais ça c'est pareil, on sait qu'il sortira peut-être, enfin en tout cas il est annoncé, donc il est en développement. Mais voilà, vu que je parlais de Valve et de Half-Life 3, ben voilà, Campo Santo a été racheté par Valve, ils ont beaucoup participé justement au Alyx VR. Et comme par hasard, dans le XVR, apparemment, l'histoire, le scénario, la narration est super bien fichue. Avec comme par hasard, c'est sûr qu'avec des mecs de Campo Santo qui sont venus aider, ça doit bien faire avancer les choses. Mais j'aimerais bien que justement que ça s'est fait, en cadeau de fin de confinement, qu'on ait ce In the Valley of Gods, donc le jeu qui avait été annoncé en 2017, il me semble, lors d'un Game Award par Campo Santo, avant qu'il soit racheté. Et quand ils ont été rachetés, après on s'est dit, tiens, ils auront de l'argent et Valve va les aider à développer pour le faire sortir le jeu sur PC. Sauf que bon, maintenant, le jeu, ils en parlent plus. Même quand tu vois les profils Twitter de Sean Vanaman, Jake Rodkin, donc tous les gens qui sont les têtes pensantes de Campo Santo, ils mettent qu'ils ont bossé sur Alyx, qu'ils bossent chez Valve. Mais le jeu, en fait, avant, il était marqué In the Valley of Gods, il n'apparaît plus. Donc voilà, il est tombé dans les confins un petit peu de Valve. Avec Half-Life 3, c'est beau. Avec Half-Life 3. Et donc voilà, donc c'est un jeu pourtant qui, rien que de temps en temps, je me refais son trailer. Et c'est bête, je me fais du mal. Et sur la chaîne, vu que je mets plus de vidéos en ligne sur la chaîne, mais j'avais fait ce fameux Let's React où je parlais de ce premier trailer-là et je m'ai donné toutes mes attentes, toutes mes envies parce qu'il y avait vraiment le moyen de faire un truc fantastique. J'ai dit à quel point j'ai adoré Firewatch. Je suppose que ça aurait été aussi bien, si ce n'est mieux, enfin en tout cas un truc fantastique de cette équipe-là. On l'aura sans doute jamais, mais voilà, c'est mon fantasme. Et si le confinement devait se lever et que je vais avoir un jeu en main à faire de suite, et bien ça serait en fait plus que, comme tu dis, The Last of Us Part 2, même Cyberpunk, même Bloodlines 2 que j'attends quand même pas mal, même The Wolf Among Us 2 que j'attends encore plus beaucoup, ça serait In the Valley of Gods, avec peut-être un Tales from the Borderlands 2 pour avoir la pêche, mais voilà. Mais c'est un jeu qu'on aura probablement jamais, en tout cas tel qu'il avait été pensé à l'origine, c'est sûr qu'on l'aura jamais. Ensuite, Alyx est sorti, donc peut-être que... Il bosse maintenant sur autre chose, donc à voir. Hein. Non, c'est moche d'essayer de me faire garder un peu d'espoir. Ça, t'as pas le droit de me faire ça. Ah bah, je dis juste que Valve a sorti Alyx. Maintenant, on sait pas sur quoi il bosse. Hein. Half-Life 3. Ouais. Non, Half-Life 2, épisode 3. Épisode 3. 10 ans après. 2007, l'épisode 2, je crois. Ou alors Alyx VR, épisode 1. Ouais, je sais pas. Oh putain, je sais ouais, pas. Enfin, je sais pas, mais peut-être qu'ils vont faire In the Valley of Gods version VR. Oh putain. Mais il faudrait dans ce cas-là qu'ils inventent un casque VR qui me rende pas malade. Et voilà. Et puis qu'ils me mettent de l'argent sur mon compte en banque pour que je puisse m'acheter un casque VR qui ne rend pas malade. Ah ouais, non, parce que le jeu à 30 balles, mais le casque à 800. Ouais. 800, j'en sais rien, hein, mais bon. Effectivement, ça fait cher l'investissement s'il y a qu'un seul jeu VR qui t'intéresse. Ouais, non, mais pour 800 euros, je pense qu'en fait, il vaut mieux se payer directement en voyage en Égypte, quoi. Je pense que ce sera peut-être plus agréable. Ouais, à la fin du confinement, oui, c'est sûr. De toute façon, les prix ont dû baisser. Ouais, donc voilà. Bon, mais en tout cas, ce qui n'a pas baissé, c'est mon talent pour faire les conclusions de podcast sans transition, ce que je vais faire maintenant. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast spécial de la cantina Chitaba qui a rouvert ses portes. On ne sait pas pourquoi, mais c'était la période de confinement, donc on s'est dit qu'on allait le faire. Bah parce qu'on aime bien faire aussi les choses, pas comme les autres. Tous les bars sont fermés, mais nous, on ouvre, on est des rebelles, voilà. Ouais. C'est notre côté un peu la prohibition, tu vois. En fait, on est là, on fait sous le manteau, on fait venir les trucs. Hein. Ouais. C'est un peu comme ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on laissera les portes ouvertes et qu'on la réouvrira peut-être alors qu'on pensait ne plus le faire? On ne sait pas ce que prédit l'avenir. Si elle doit réouvrir, elle réouvrira probablement avant la sortie de FF3 ou de Star Citizen. Tu vois, des mecs qui insistent bien avec leur Black Bordeaux, tu vois, c'est le running gag, tu vois, c'est l'humour de répétition qui est plus drôle à la fin, mais bon, en même temps. Hein. Ah, moi ça me fait rire. Ouais, mais moi aussi, et c'est l'essentiel, parce qu'on le fait d'abord pour nous. Enfin, on le fait pour vous aussi, auditeurs, auditrices, mais c'est vrai qu'on le fait pour passer un bon moment, nous d'abord. Et ouais. Donc voilà, donc en tout cas, si vous avez écouté jusqu'au bout, ben, je vous en remercie. Macrémic, je te remercie d'avoir participé à cette version-là. Bah, de rien, ça faisait longtemps. Ben exactement, donc c'est toujours cool de faire ça. Comme je l'ai dit, en fait, ben vous pouvez retrouver le podcast ben sur la chaîne YouTube, puisque maintenant je la laisse active, cette chaîne-là, que pour mettre les podcasts, donc celui-là, et puis le podcast Interplayer 2, où je fais parler des gens qui d'habitude mettent en valeur le jeu vidéo. Vous pouvez aussi regarder les anciennes rubriques, mais bon, en théorie, il n'y aura plus de nouveaux contenus, à part si je me lance dans un let's play spécial confinement. Je vous cache pas que j'ai essayé de le faire et pour l'instant ça foirait, donc c'est possible que ça n'arrive jamais. Ah, c'est pas la faute du jeu. Non, mais ça n'arrivera peut-être jamais comme Half-Life 3, c'est le mec qui en rajoute. Allez, tiens. Et donc non, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast là et si vous voulez en faire ce genre de petit challenge, je vous dis, il y a le 30 jours, donc 30 days challenge printemps et confinement de Moriolan sur Twitter, vous pouvez le faire. Ou sinon, bah, vous pouvez prendre les questions et les points qu'on a fait et puis vous le faire vous-même aussi, n'hésitez pas. Ou créer vos propres petits spéciaux confinement. C'est vous qui voyez, amusez-vous bien. L'essentiel, c'est justement de se sortir un peu, de s'aérer l'esprit comme on peut. Le corps aussi, si on peut faire un peu de sport chez soi, bouger un petit peu, discuter avec les gens, échanger. Donc si vous voulez échanger avec Macrémic ou moi sur Twitter, on est là. Plus moi que toi, t'es quand même pas non plus hyper Twitter, je sais, mais... Non, j'ai un peu de mal avec ce réseau. Je regarde beaucoup, mais je ne poste rien en fait. Donc voilà, donc vous pouvez poster, il regardera ce que vous faites, sinon moi je répondrai. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, si c'est pas avec nous, n'hésitez pas à échanger. C'est hyper important de maintenir du contact aussi. Alors avec les jeux vidéo, avec tout ce qui nous aère l'esprit, nous fait évader, mais aussi avec les gens, c'est quand même vachement important. En tout cas, ceux qui nous apportent du bien-être, avec qui on peut discuter. Hein. Vous n'allez pas vous mettre avec des gens qui sont toxiques, qui sont des boulets, ça ne sert à rien, c'est complètement con. C'est comme de vouloir faire des jeux qu'on n'aime pas, ne vous acharnez pas, si vous êtes très énervé, le but c'est quand même aussi de passer un bon moment et de bien dormir. Donc j'espère, après écouter ce podcast, vous dormirez bien. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas je le dis. Je vous dis à bientôt, ou pas d'ailleurs, on verra. Ciao, ciao. Ciao. Si tu veux, là, si t'as 20 minutes, on peut jouer à Left 4 Dead. Tu veux jouer à Left 4 Dead? Bah, je sais pas, c'est toi qui m'avais proposé. Moi, je te dis juste que là, Christelle, elle rentre dans une petite demi-heure, si t'as envie. Moi, je te propose ça. Ok, bah, tu sais quoi? Attends, je coupe ça, là. Bon, bah, ok. Eh bien, écoute, on y va, alors, hein.